La légende de Mahomet, par Savary, traduit de l'arabe par Monsieur Garcin de Tassy, édition d'Ondet Dupré, 1829, tome 1er, markemdanarchive.org 2021 d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique. On a dit qu'il fallait aux Arabes un législateur tel que Mahomet, et à Mahomet un peuple comme les Arabes. Avant lui, en effet, cette nation était plongée dans des superstitions bien moins séduisantes que les croyances qu'il lui donna. Il voulait soumettre des hommes ardents, il flatta leur passion, et le succès couronna son entreprise. Mais chez tout autre peuple que le sien, il n'eût pas, comme on le pense, échoué dans ses projets. Partout où des hommes habiles parleront à l'imagination, ils trouveront des prosélytes qui s'empresseront de les adorer et de les suivre. Notre dessein n'est pas de retracer ici les longs détails de la vie militaire de Mahomet, ni de nous engager dans les discussions longues et fatigantes qu'un grand nombre de critiques ont élevées sur ses miracles et sa doctrine. Nous le présenterons tel que le révèrent les musulmans, avec tous les prodiges dont ils entourent son passage au milieu d'eux et sa mission divine. En un mot, c'est un abrégé de sa légende que nous allons donner. Mahomet naquit à la Mecque, l'an de Jésus-Christ 578, avant l'Égir 53, depuis la chute d'Adam, suivant Abulfeda, 6163. Il était fils d'Abdallah, fils d'Abdelmoteleb, et descendait par son père et sa mère de l'illustre tribu des Coréichites. Les Arabes conservent sa généalogie depuis Adam, par Abraham et Ismaël. La naissance de Mahomet fut accompagnée de grands prodiges. À l'instant où il vint au monde, une lumière brillante éclaira les villes et les bourgades d'alentour, le palais de Khosroès, alors roi de Perse, s'ébranla, quatre de ses tours s'écroulèrent. Le feu sacré de Zoroastre allumé depuis plus de 1000 ans s'éteignit, et des lacs se desséchèrent. L'enfant nouveau-né, ayant à peine vu le jour, s'échappa des mains de la sage-femme, se jeta à genoux, leva les yeux au ciel, et prononça d'une voix mâle et distincte ces mots sacrés, « Dieu est grand, il n'y a que Dieu qui soit Dieu, et je suis son prophète. » Les assistants étonnés prirent l'enfant, l'examinèrent, et s'aperçurent avec admiration qu'il était né circoncis. Mahomet parla une seconde fois, alors les démons, les mauvais génies, les esprits de ténèbres furent précipités des étoiles, des planètes et des signes du zodiaque où il demeurait, dans les abîmes éternels. Toutes ces merveilles causèrent une telle joie à la famille d'Abdallah, qu'on donna à l'enfant le nom de Mahomet, c'est-à-dire couvert de gloire. Abdallah son père mourut 2 mois après, ne laissant pour tout héritage à son fils au berceau, que 5 chameaux et une esclave éthiopienne nommée Baraka. Amona sa mère s'était chargée d'abord de l'allaiter. Mais l'air de la Mecque étant malsain pour les enfants, on avait coutume de les donner à des nourrices qui les emportaient à la campagne. Halima, qui n'avait point trouvé de nourrisson, alla demander Mahomet, que les autres nourrices avaient refusé à cause de la pauvreté de sa mère. Elle l'emmena dans le désert des Saadites, son pays, et la bénédiction du Très-Haut se répandit sur toute sa maison. On compte qu'un jour Mahomet, âgé de 3 ans, se promenait dans la campagne avec Masroud son frère de lait, 2 hommes vêtus de blanc paraissent tout à coup, saisissent le jeune prophète, le couchent à terre et lui ouvrent la poitrine. Gabriel, Jibril, l'un des 2 anges, prit le cœur de Mahomet, le purifia, le remplit de foi et de science, le remit sans douleur à sa place, et les deux anges disparurent. Cependant Masrout était allé conter ce miracle à Halima, qui s'effraya et reporta l'enfant à sa mère. Peu de temps après Amona mourut, Abdelmotallab prit son petit-fils dans sa maison et l'éleva comme ses propres enfants. Mais à l'âge de 8 ans, Mahomet perdit encore son grand-père. Il trouva un asile chez Abou Talib, son oncle, qui l'instruisit dans le commerce et l'emmena avec lui en Syrie. À l'âge de 13 ans, il avait déjà plus d'esprit et de sagesse que les hommes consommés. C'est vers cet âge qu'ayant reçu l'hospitalité dans un monastère de Bosra, il fut remarqué par le moine Bahira, que Prido croit à tort être le même que Sergius. Il n'est pas vrai que ce moine fût, comme on l'a dit, un hérétique italien, ni qu'il ait dicté le Coran. Tout ce qui paraît certain, c'est qu'il fut étonné des hautes dispositions du jeune Coréichite, et qu'il lui prédit de brillantes destinées. De retour à la Mecque, Mahomet vit dans la maison de son oncle, qui était préfet du temple, tous les princes arabes et les personnages les plus distingués de son temps. Sa beauté, son esprit, sa bonne foi, son horreur pour le vice lui gagnèrent tous les cours, le surnomma même El-Amine, c'est-à-dire l'homme sûr. Il conserva cette réputation, jusqu'au moment où il éleva la voix contre l'idolâtrie. Alors on commença à redouter en lui un ambitieux. Il joignit bientôt la gloire des armes à ses autres avantages. À 15 ans il avait fait ses premières campagnes, et la victoire s'était fixée partout où il avait combattu. Dans la paix qui suivit ces guerres passagères, les Coréichides gardiens de la Kaaba ou maison de Dieu, qu'on dit élevée par Abraham, voulurent la rebâtir avec plus de magnificence. On détrempa le mortier avec l'eau du puits de Zemzem, qui est la fontaine donnée par l'ange à la mère d'Ismaël fugitive. Quand il fallut placer la fameuse pierre noire, il s'éleva des différends entre toutes les tribus, qui se disputèrent l'honneur de la poser. On sait sans doute l'origine merveilleuse de cette pierre sacrée. Lorsqu'Ismaël et Abraham réconciliaient et bâtissaient la Kaaba, comme ils n'avaient point d'échafaud pour en élever les murs, l'ange Gabriel leur apporta une longue pierre, qui se soutenait sans appui par miracle dans les airs, se haussant ou s'abaissant, selon le besoin des architectes. C'était alors une hyacinthe blanche, mais dans la suite une femme, qui n'était pas pure, l'ayant touchée, elle devint noire. Après bien des débats pour l'honneur de poser la pierre sainte, on convint de s'en rapporter au premier qui entrerait dans le temple. Mahomet, que le hasard y conduisit, fit mettre la pierre noire sur un tapis étendu, dont un homme de chaque tribu tenait les extrémités, et lorsqu'ils l'eurent élevée tous ensemble, il la plaça lui-même. Il était impossible que ce jeune homme n'attirât pas tous les regards. Une veuve riche et noble, qui faisait un commerce très étendu, jeta les yeux sur lui, et le chargea de diriger ses affaires. Il entra donc dans la maison de Khadige, non pas en qualité de conducteur de chameau, comme quelques-uns l'ont dit, mais en qualité d'associé. Il partit pour la Syrie, où les intérêts de Khadige demandaient un voyage. Pendant qu'il traversait les déserts brûlants de l'Arabie, un ange le conduisait à l'abri de ses ailes. On dit même que, s'étant assis sous un arbre desséché, près de Bosra, l'arbre reverdit, se couvrit de feuilles et de fleurs, et que ce miracle convertit 2 moines chrétiens, qui reconnurent Mahomet pour prophète. Le voyage fut heureux, Mahomet revint chargé de richesses, et Khadige, qui l'aimait, lui offrit sa main qu'il accepta avec reconnaissance. Il avait 25 ans. Elle en avait 40. Elle fut, dit-on, la première qui crut à sa mission. Du reste, elle n'eut pas à se repentir d'avoir fait sa fortune. Mahomet l'aima constamment, et tant qu'elle vécut, il refusa de prendre d'autres femmes, comme le lui permettait la loi de son pays. Pendant les 15 premières années qui suivirent son mariage, il vécut dans la solitude, méditant au fond de sa retraite cette religion qui devait soumettre l'Orient. Les Arabes étaient plongés alors dans une profonde idolâtrie, et le temple de la Mecque, consacré dans l'origine à un seul Dieu, était entouré de 300 idoles. Mahomet, résolu de détruire ce culte absurde, composa le Coran, pour ne paraître aux yeux de sa nation qu'avec un livre divin. Il connaissait les Arabes, il voulut les séduire par un style gracieux, par la magnificence des images, et par des promesses qui pussent flatter leur penchant. On remarque, comme un trait d'habileté, qu'il ne le donna que suivant les circonstances, et dans l'espace de 23 ans. Pour en mieux dissimuler l'auteur, il feignit de ne savoir ni lire ni écrire, prit le ton imposant des prophètes, et assura que ce qu'il annonçait lui était dicté par l'ange Gabriel. Note. On dit qu'il avait accoutumé un pigeon à venir se percher sur son épaule, et qu'il persuadait au peuple que c'était l'ange Gabriel qui, sous cette forme, lui parlait à l'oreille. Fin de la note. Il avait alors 40 ans, le moment qu'il avait choisi pour annoncer sa religion était venu. Il se retira, comme il le faisait tous les ans, dans une grotte du mont Ara. La nuit étant arrivée, Gabriel descendit du ciel et lui dit, « Lis. Je ne sais pas lire, » répondit Mahomet. Lis, reprit l'ange, au nom du Dieu créateur, et il lui présenta les premiers versets du 96e chapitre. Mahomet récita ces versets et s'avança sur la montagne, où il entendit une voix céleste qui répétait ces mots, « Ô Mahomet, tu es l'apôtre de Dieu, et je suis Gabriel. » Quand l'ange eut disparu, le prophète retourna à sa maison, et raconta sa glorieuse vision à Khadige, qui en fut comblée de joie. Elle courut apprendre ses merveilles à Waraka son parent, qu'elle entraîna dans l'islamisme. C'est le nom que Mahomet donna à sa doctrine, il signifie consécration à Dieu. Bientôt le jeune Ali, fils d'Abou Taleb, Zahi, Abou Bekr, père de la charmante Aïcha, Othman, Aberman, Saad, Zobeir, Tella, Abu Obeida, Saïd, Abdallah, Amer, tous citoyens recommandables de la Mecque, s'attachèrent au prophète. Il assembla tous ses parents, leur annonça une nouvelle révélation de Gabriel, et leur dit, « Je vous offre le bonheur dans ce monde et la félicité dans le ciel. » Qui de vous sera mon vizir? Qui de vous veut être mon lieutenant et mon calife? Comme tout le monde gardait le silence, Ali se leva indigné et s'écria, ce sera moi, ô prophète, je partagerai tes travaux et j'exterminerai tes ennemis. Mahomet embrassa l'ardent Ali, et dit aussitôt, voilà mon frère, mon lieutenant et mon calife. Écoutez-les, lui obéissez. Ce début n'eut pas grand succès, on se révolta contre un homme qui détruisait les dieux. Toute sa famille l'abandonna, ses disciples seuls lui restèrent fidèles. Les Coréichites, qui étaient à peu près à la Mecque ce que furent les Lévites à Jérusalem, se réunirent pour écraser celui qui renversait leurs autels. Ils déclarèrent au vieil Abou Taleb que, s'il n'imposait silence à son neveu, ils allaient prendre les armes pour exterminer la secte naissante. Abou Taleb effrayé se hâta d'aller trouver Mahomet. Le prophète lui répondit, quand ils armeraient contre moi le soleil et la lune, et que je verrais ces deux astres l'un à ma droite, l'autre à ma gauche, je ne serais pas moins inébranlable. » Abu Taleb admira une résolution si ferme, et promit à son neveu de ne l'abandonner jamais. Cependant, la tribu s'étant assemblée prononça l'exil contre tous ceux qui avaient embrassé l'islamisme. Mahomet se retira dans un château situé sur le mont Safa. Abu Joël l'y rencontra, l'accabla d'injures, et Mahomet garda le silence. Mais Hamza, son oncle, courut le venger, et tua l'insolent Abu Joël au milieu même de l'assemblée des Coréchites, après quoi il se fit musulman. Cette conversion fut un triomphe pour le prophète. Ses ennemis voyant que la persécution n'intimidait pas les sectateurs de l'islamisme, ne cherchaient plus qu'un homme assez déterminé pour ôter la vie à leur chef. Le féroce Omar offrit son bras, et partit armé pour la retraite du prophète. En chemin, il entra chez sa sœur, qui lisait un chapitre du Coran. Cette lecture changea la disposition de son esprit, l'enthousiasme succéda à la fureur et à la violence, il courut au château de Safa. Mahomet, au milieu de 40 fidèles, s'avança à sa rencontre. « Je viens, lui dit Omar, croire en Dieu et en son apôtre. » Il embrassa l'islamisme, dont il devint un des plus zélés défenseurs, et abandonna l'idolâtrie, mais il garda sa férocité. On l'a surnommé El Farouk, le diviseur, parce qu'il fendit en deux un musulman qui osait réclamer contre une sentence de Mahomet. La désertion d'Omar acheva d'épouvanter les ennemis du prophète, la persécution qu'ils avaient élevée contre lui devint générale. Toute la famille et tous les partisans de Mahomet furent proscrits. Les uns se réfugièrent en Abyssinie, les autres s'enfermèrent dans le château d'Abu Taleb. Cette première fuite eut lieu la cinquième année de la mission de Mahomet. L'arrêt de proscription, écrit sur du parchemin, était conservé dans la Kaaba. Au bout de 3 ans, Mahomet, qui n'avait pas quitté Abu Taleb, lui dit que le ciel avait donné la victoire à un vers sur le décret des Coréchites. Abu Taleb aussitôt fit dire aux principaux du peuple qu'un vers avait rongé tout l'acte d'exil, à l'exception du seul nom de Dieu. Les Coréchites se rendirent en foule au temple, ouvrirent la cassette où était le décret, et furent saisis de terreur à la vue de cet acte, qui n'était plus qu'un monceau de poussière, et dont il ne restait en entier que ces mots, en ton nom, ô grand Dieu. La loi de proscription dès ce moment fut abolie, et Mahomet put reparaître. On place à cette époque un très grand miracle. Les chefs des Coréchites, pour confondre Mahomet, l'obligèrent de comparaître devant un vieillard savant qui devait examiner sa mission. Ce vieux prince, nommé Habib, avait été juif, chrétien, mage, et connaissait toutes les religions. On le fit monter sur un trône, élevé en pleine campagne et entouré de tous les princes arabes. Mahomet s'avança avec confiance devant son juge, qui lui proposa, pour prouver qu'il était l'envoyé de Dieu, de couvrir le ciel de ténèbres, et de faire descendre la lune sur la Kaaba. Le soleil était au haut de son cours. Mahomet commanda aux ténèbres, qui amenèrent aussitôt la nuit. La lune parut au firmament, quitta sa route accoutumée, bondit dans les airs, se reposa sur le faîte de la Kaaba, en fit cette fois le tour, et alla s'arrêter sur une montagne voisine, d'où elle prononça un discours à la louange du prophète. Elle entra ensuite par la manche droite de son manteau, sortit par la gauche, se divisa en deux parties, dont l'une vola vers l'Orient et l'autre vers l'Occident, pour se réunir dans le ciel. Ce miracle n'est malheureusement pas mentionné dans Abulfeda, le meilleur historien du prophète. Il ne s'attribua même jamais le don des miracles, et il dit dans 20 endroits du Coran qu'il n'est chargé que de la prédication. Mahomet, peu de temps après l'abolition du décret d'exil, perdit son oncle Abou Taleb, dont il avait toujours conservé l'affection, mais qu'il n'avait pu engager dans l'islamisme. Sa femme Khadija mourut vers le même temps. Ces deux pertes réveillèrent la haine qu'on lui portait. Les Coréchites, n'ayant plus rien à ménager, redoublèrent leur fureur. Mahomet y mit le comble par le récit de son prodigieux voyage nocturne, dont nous allons donner le précis. « J'étais couché, dit-il, entre les collines Safa et Merva, lorsque Gabriel s'approchant de moi m'éveilla. Il conduisait El Borak, l'étincelante, jument d'un gris argenté, dont la démarche est si vive, qu'à chaque pas qu'elle fait elle s'allonge autant que la meilleure vue peut s'étendre. Ses yeux brillaient comme des étoiles, elle déployait ses deux grandes ailes d'aigle, je m'approchai, elle se mit à ruer. Tiens-toi tranquille, lui dit Gabriel, et obéis à Mahomet. La jument répondit, le prophète Mahomet ne me montra point, que tu n'aies obtenu de lui qu'il me fasse entrer en paradis au jour de la résurrection. Je le lui promis, alors elle se laissa monter, et dans l'instant nous fûmes aux portes de Jérusalem. En entrant dans le temple, je rencontrai Abraham, Moïse et Jésus. Je fis la prière avec eux, quand elle fut finie, une échelle de lumière descendit tout à coup du ciel, nous parcourûmes avec la promptitude de l'éclair l'immense étendue des airs. Arrivé au premier paradis, l'ange frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda-t-on. « Gabriel. Quel est ton compagnon ? » « Mahomet. A-t-il reçu sa mission ? » « Il l'a reçue. Qu'il soit le bienvenu. » À ces mots, la porte, plus grande que la terre, tourna sur ses gonds, et nous entrâmes. Ce premier ciel est d'argent pur, c'est à sa belle voûte que sont suspendues les étoiles, avec de fortes chaînes d'or. Dans chacune de ces étoiles est un ange en sentinelle, pour empêcher les démons d'escalader les cieux. Un vieillard décrépit vint m'embrasser, en me nommant le plus grand de ses fils, c'était Adam. Je n'eus pas le temps de lui parler, mon attention se fixa sur une multitude d'anges de toutes formes et de toutes couleurs, les uns ressemblent à des chevaux, les autres à des loups, etc. Au milieu de ces anges, s'élève un coq d'une blancheur plus éclatante que la neige, et d'une si surprenante grandeur, que sa tête touche au second ciel, éloignée du premier de 500 années de chemin. Tout cela m'aurait beaucoup étonné, si Gabriel ne m'eût appris que ces anges sont là sous des figures d'animaux, afin d'intercéder auprès de Dieu pour toutes les créatures de la même forme qui vivent sur la terre, que ce grand coq est l'ange des coqs, et que sa fonction principale est d'égayer Dieu tous les matins par ses chants et par ses hymnes. Nous quittâmes le coq et les anges animaux pour nous rendre au deuxième ciel. Il est composé d'une espèce de fer dur et poli. Je trouvai là Noé, qui me reçut dans ses bras, Jean et Jésus s'approchèrent ensuite, et m'appelèrent le plus grand et le plus excellent des hommes. Nous montâmes alors au troisième ciel, plus éloigné du second que celui-ci ne l'est du premier. Il faut être au moins prophète pour supporter l'éclat éblouissant de ce ciel, tout formé de pierres précieuses. Parmi les êtres immortels qui l'habitent, Je distinguai un ange d'une hauteur au-dessus de toute comparaison. Il avait sous ses ordres 100 000 anges, chacun plus fort lui seul que 100 000 bataillons d'hommes prêts à combattre. Ce grand ange s'appelle le confident de Dieu, sa taille est si prodigieuse, qu'il y a de son œil droit à son œil gauche 70 000 journées de chemin. Devant cet ange était un énorme bureau, sur lequel il ne cessait d'écrire et d'effacer. Gabriel me dit que le confident de Dieu, étant en même temps l'ange de la mort, il est continuellement occupé à écrire les noms de tous ceux qui doivent naître, à calculer les jours des vivants et à les effacer du livre, à mesure qu'ils découvrent qu'ils ont atteint le terme fixé par son calcul. Le temps pressait, nous gagnâmes le quatrième ciel. Enoch qui s'y trouvait parut tout ravi de me voir. Ce ciel est d'argent fin, transparent comme le verre, il est peuplé d'anges de haute taille, l'un d'eux, moins grand que l'ange de la mort, a pourtant 500 journées de hauteur. L'emploi de cet ange est fort triste, puisqu'il est uniquement occupé à pleurer sur les péchés des hommes, et à prédire les maux qu'il se prépare. Ces lamentations ne me plaisaient pas assez pour que je les écoutasse longtemps. Nous nous rendîmes promptement au cinquième ciel. Aaron vint nous recevoir, et me présenta à Moïse, qui se recommanda à mes prières. Le cinquième ciel est d'or pur. Les anges qui l'habitent ne rient pas beaucoup, et ils ont raison, car ils sont les gardiens des vengeances divines et des feux dévorants de la colère céleste. Ils sont chargés aussi de veiller au supplice des pécheurs endurcis, et de préparer des tourments affreux pour les Arabes qui refuseront d'embrasser ma religion. Ce spectacle affligeant me fit hâter ma course, et je montai au sixième ciel avec mon guide. J'y trouvai encore Moïse, qui se mit à pleurer en m'apercevant, parce que, disait-il, je devais conduire en paradis plus d'Arabes qu'il n'y avait conduit de Juifs. Pendant que je le consolais, je me sentis, enlevé, sans savoir comment, et j'arrivai d'un vol plus prompt que la pensée, au septième et dernier ciel. Je ne puis donner une idée de la richesse de ce beau paradis, qu'on se contente de savoir qu'il est fait de lumière divine. Le premier de ses habitants qui m'est frappé surpasse la terre en étendue. Il a 70 000 têtes, chaque tête a 70 000 bouches, chaque bouche 70 000 langues qui parlent continuellement, et toutes à la fois chacune 70 000 idiomes différents, pour célébrer les louanges de Dieu. Après que j'eus considéré cette énorme et toute céleste créature, je fus emporté subitement par un souffle divin, et je me trouvai assis au pied du cèdre immortel. Ce bel arbre est planté à la droite du trône invisible de Dieu, de ce trône devant lequel brûlent sans cesse 14 cierges, qui ont en hauteur 70 années de chemin. Les branches du cèdre, plus étendues que le disque du soleil n'est éloigné de la terre, servent d'ombrage à une multitude d'anges, beaucoup plus nombreux que les grains de sable de toutes les mers, de tous les fleuves, de toutes les rivières. Sur les rameaux du cèdre sont perchés des oiseaux immortels, occupés à considérer les passages sublimes du divin Coran. Les feuilles de cet arbre ressemblent à des oreilles d'éléphant, ses fruits sont plus doux que le lait, un seul suffirait pour nourrir pendant un jour toutes les créatures de tous les mondes. Chaque pépin renferme une ourie, ces vierges divines sont réservées aux plaisirs éternels des musulmans. Il y en a de quatre sortes, les unes sont blanches, les autres roses, les troisièmes jaunes et les quatrièmes vertes. Leur corps ravissant à la transparence du cristal. Leurs yeux sont si beaux, que si une houille laissait tomber un regard sur la terre pendant la nuit la plus sombre, elle y jetterait autant de lumière que le soleil dans tout son éclat. Il suffirait qu'une houille crachât dans la mer, pour que toute la mer cessât d'être salée. Elles se livreront aux embrassements des fidèles, et ne cesseront pas pour cela d'être vierges. Quatre fleuves sortent du pied du cédra, deux pour le paradis et deux pour la terre, ces deux derniers sont le Nil et l'Euphrate, dont personne avant moi n'avait connu la source. Ici Gabriel me quitta, parce qu'il ne lui était pas permis de pénétrer plus avant. Raphaël prit sa place et me conduisit à la maison divine de l'adoration, où se rassemblent chaque jour en pèlerinage 70 000 anges de première classe. Les mêmes n'y vont jamais deux fois. Cette maison, bâtie d'hyacinthe rouge, et entourée de lampes qui brûlent éternellement, ressemble exactement au temple de la Mecque, et si elle tombait perpendiculairement du septième ciel sur la terre, comme cela pourrait bien arriver quelques jours, elle tomberait nécessairement sur le temple de la Mecque, c'est une chose singulière, mais certaine. À peine eus-je mis le pied dans la maison de l'adoration, qu'un ange me présenta trois coupes, la première était pleine de vin, la seconde de lait, la troisième de miel. Je choisis celle où était le lait, et aussitôt une voix forte comme dit tonnerre, fit retentir ces paroles. Ô Mahomet, tu as bien fait de prendre le lait, car si tu avais bu le vin, ta nation était pervertie et malheureuse. Mais un nouveau spectacle vint éblouir mes yeux, l'ange me fit traverser, aussi vite que l'imagination peut le concevoir, deux mers de lumière, et une troisième, noire comme la nuit, d'une immense étendue, après quoi je me trouvai en la présence immédiate de Dieu. La terreur s'emparait de tous mes sens, quand une voix plus bruyante que celle des flots agités, me cria « Avance, ô Mahomet, approche-toi du trône glorieux !» J'obéis, et je lus ces mots sur l'un des côtés du trône, « Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. » En même temps, Dieu mit sa main droite sur ma poitrine et sa gauche sur mon épaule, un froid aigu se fit sentir dans tout mon corps, et me glaça jusqu'à la moelle des os. Fort heureusement, cet état de souffrance fut suivi de douceurs inexprimables et inconnues au fils des hommes, qui enivrèrent mon âme. À la suite de ces transports, j'eus avec Dieu une conversation familière qui dura fort longtemps. Dieu me dicta les préceptes que vous trouverez dans le Coran, puis il m'ordonna expressément de vous exhorter à soutenir par les armes et le sang la sainte religion que j'ai fondée. Dieu ayant cessé de parler, je rejoignis Gabriel, il déploya ses 140 paires d'ailes brillantes comme le soleil, et nous descendîmes les 7 cieux, où nous fûmes souvent arrêtés à chaque pas par les concerts des esprits célestes qui chantaient nos louanges. Mais Dieu m'avait commandé de faire la prière 50 fois par jour. Descendu au ciel de Moïse, je lui fis part de l'ordre que j'avais reçu. « Retourne vers le Seigneur, me dit le conducteur des Hébreux, prie-le d'adoucir le précepte, jamais ton peuple ne pourra l'accomplir. » Je remontai vers le Très-Haut, et le priai de diminuer le nombre des prières, il fut réduit à 40. Le savant Moïse m'engagea à de nouvelles instances, et, après des voyages réitérés, le nombre des prières fut réduit à 5. Parvenu enfin à Jérusalem, l'échelle de lumière se reploya dans la voûte des cieux, Elborak m'attendait, il était nuit encore, elle me ramena au lieu où elle m'avait pris, en agitant deux fois seulement ses grandes ailes d'aigle. Alors je dis à Gabriel, je crains bien que mon peuple ne refuse de croire au récit de ce voyage. Rassure-toi, me répondit l'ange, le fidèle Abou Bekr et le fier et saint Ali soutiendront la vérité de ces prodiges. Note. Quelques auteurs musulmans prétendent que Mahomet est parti de sa chambre pour se rendre au paradis, et qu'il les parcourut tous les sept avec une si prodigieuse rapidité qu'après les avoir cependant exactement visités, il retourna assez promptement dans son lit pour empêcher qu'un vase plein d'eau que l'ange Gabriel avait choqué de l'aile, en prenant son vol, ne fût entièrement renversé. Fin de la note. Ce récit merveilleux trouva sur le champ des personnes qui le crurent, et les docteurs mahométans l'ont orné de volumineux commentaires. Les coréichites s'en moquèrent pourtant avec amertume et le tournèrent en ridicule, ce qui fit perdre à Mahomet quelques disciples que la fermeté d'Abou Bekr lui ramena, mais ce récit prépara de violentes persécutions. Cependant, le nouveau culte faisait de grands progrès à Médine. Presque toute cette ville avait embrassé l'islamisme. Mozab, leur chef, conduisit à la Mecque, en pèlerinage, 63 des principaux habitants. Ils vinrent jurer à Mahomet de lui être fidèle, et le prophète leur promit le paradis. Il ordonna ensuite aux nouveaux convertis de choisir 12 d'entre eux pour veiller sur le peuple de Médine. Je vous établis, leur dit-il, les répondants du peuple, avec la même puissance qu'eurent les disciples de Jésus, et moi je suis le répondant et le chef de tous les vrais croyants. Prévoyant l'orage qui s'élevait contre lui à la Mecque, il invita tous les musulmans à se retirer à Médine, il y fit conduire sa famille, et rentra seul dans la Mecque avec Abou Bekr et Ali. Il ne voulait fuir lui-même que devant un danger réel, les Coréichites, le croyant abandonné, s'assemblèrent. Des docteurs assurent que le diable entra au conseil, sous la forme d'un vieillard, et combattit tous les avis qui proposaient quelques ménagements. Toutes les voies conclurent à la mort. L'exécution de cet arrêt fut remise à la nuit suivante. Mahomet, instruit du péril, commanda au généreux Ali de coucher dans son lit, revêtu de son manteau vert, il alla ensuite trouver Abou Bekr, et s'enfuit avec lui à la faveur des ténèbres. C'est de cette époque célèbre que les Orientaux comptent leur ère, qu'ils nomment l'hégire ou la fuite. La nuit venue, les assassins entrèrent, le poignard à la main, dans la maison du proscrit, ils n'y trouvèrent qu'Ali, revêtu du manteau vert du prophète, et s'arrêtèrent. On dit que le fidèle ami de Mahomet les endormit, en leur jetant de la poussière sur la tête et en récitant quelques versets du Coran. Dès que le jour parut, ils coururent après leur proie. Mahomet ayant prévu qu'ils seraient poursuivis, avait pris une route détournée. Il se cacha dans une caverne. Les assassins, prêts à y entrer, s'aperçurent que l'ouverture en était fermée par des toiles d'araignée, au bas desquelles une colombe avait déposé ses œufs. Ils retournèrent sur leurs pas, et le prophète reprit sa route. Cependant Soraka, à la tête d'une troupe d'élite, l'atteignit bientôt, et courut sur lui la lance à la main. Mahomet l'appela par son nom, aussitôt le cheval de Soraka se renversa par terre, l'assassin, épouvanté de ce miracle, se fit musulman. Le vendredi suivant, Mahomet fit son entrée à Médine, sous un dais de feuillage porté par ses disciples. Il fit bâtir une mosquée à l'endroit où s'arrêta son chameau. Il s'occupa d'affermir son pouvoir, il acheva de s'attacher à Abou Bekr en épousant sa fille Aïcha. Il éteignit les jalousies de tribus. ordonna à tous ses disciples de s'aimer comme des frères. Il recommanda aux croyants de se tourner dans leurs prières vers le temple de la Mecque. Il indiqua la formule du crieur qui devait appeler le peuple à l'oraison. Il consacra ensuite le jeûne, ou carême du mois de Ramadan, parce que c'est dans ce mois que le Coran commença de descendre du ciel, où il est écrit de toute éternité, quoique des docteurs affirment que Dieu entressa les pages augustes, dans le temps, sur la peau du bélier qu'Abraham immola à la place d'Isaac. Il fit paraître enfin le chapitre qui ordonne formellement de combattre les idolâtres, et, pour la première fois, il défendit sa religion les armes à la main. Avec 313 hommes, 2 chevaux et 70 chameaux, il marcha au-devant de 2000 coréichides idolâtres, il parla à ses soldats, les remplit d'un enthousiasme inexprimable. Leur fit entrevoir 3000 anges qui combattaient avec eux, et la petite troupe fut victorieuse. Jalal ed-Din ne doute pas du tout que ce ne fut un insigne miracle. Des anges, vêtus de longues robes flottantes, portant des turbans jaunes, montés sur des chevaux tachetés de blanc et de noir, combattaient, dit-il, à la tête des croyants. On ajoute même que 2 idolâtres, qui du haut d'une colline observaient le combat, virent un nuage chargé d'escadrons d'anges, ils entendirent les hennissements des chevaux célestes, et la voix de Gabriel qui parlait à sa bonne jument Aïssoum. On pense bien qu'après de tels succès, Mahomet fut reçu en triomphe à Médine. De nouvelles victoires vinrent bientôt augmenter le nombre de ses partisans. Ali se distinguait partout avec tant d'éclat, qu'il lui donna en mariage Fatime, sa fille chérie. Elle avait 15 ans, et méritait par ses perfections d'être mise au nombre des 4 femmes parfaites que Dieu a données à la terre. Note. Ces 4 femmes sont, la fille de Pharaon, la Vierge Marie, Khadija et Fatime. Cette dernière donna le jour à 12 prophètes, sans cesser d'être vierge, et son corps fut enlevé dans le ciel après sa mort. Fin de la note. La nuit où le mariage se devait consommer, le prophète conduisit Fatime au jeune Ali. Il marchait devant elle, Gabriel était à sa droite, Michel à sa gauche, 70 000 anges, qui formaient le cortège, chantèrent des hymnes jusqu'au matin. Les combats recommencèrent bientôt, de nouveaux succès encouragèrent l'islamisme. Cependant les croyants éprouvèrent une grande défaite, Mahomet fut même blessé au visage. Le brave Hamza fut tué, mais Gabriel révéla au prophète que Hamza habitait le 7e ciel. Il pria pour les morts, les fit ensevelir, les mit au rang des martyrs, et se représenta tout à coup à ses ennemis, qu'il mit en fuite. On trouve dans ces guerres beaucoup d'horreur. Comme l'ivresse avait surtout des effets terribles chez les Arabes, Mahomet leur défendit le vin. Il promulgua plusieurs lois sages qu'on trouvera dans le Coran. Il échappa à un grand nombre de trahisons qui furent déjouées par son intrépidité et son sang-froid. Un idolâtre revint l'épée à la main pour le tuer, au moment où il se reposait à l'écart. Mahomet le regarda fixement sans s'émouvoir. Étonné de ce calme, l'assassin s'arrêtait fin de jouer avec son épée. « N'avez-vous pas eu peur ? » dit-il au prophète. « Et qu'avais-je à craindre ?» répondit froidement Mahomet. L'idolâtre stupéfait prit la fuite, et les Arabes assurent que Dieu l'avait renversé par terre au moment où il voulait frapper, ce qui est bien fait pour intimider un brigand. Mais les ennemis du prophète venaient assiéger Médine. Il fit creuser un fossé autour de la ville, le sol était un roc très dur, Mahomet prit de l'eau dans sa bouche, la répandit sur la pierre qui s'amollit, et on cria au miracle. Le brave Salman s'efforçait de briser une pierre énorme, Mahomet, lui prenant le marteau des mains, en frappa trois fois la roche, il en jaillit trois éclairs. On lui demanda ce que signifiaient ces éclairs. Le premier, répondit-il, m'annonce la soumission de l'Arabie heureuse, le second la conquête de la Syrie et de l'Occident, le troisième la conquête de l'Orient. Les ennemis firent bientôt le siège. Le prophète, dit-on, nourrit les assiégés avec un panier de dattes, qui multiplièrent miraculeusement entre ses mains. Une autre fois, il leur donna à souper avec un agneau rôti et un pain d'orge, plus de 3000 hommes furent rassasiés. Au milieu de la consternation qu'inspirait le nombre immense des ennemis, il montrait une tranquillité étonnante. Il les força à se retirer, alla ensuite les combattre, les vainquit et les mit en pièces. À la paix, il devint épris de Zaynab, charmante épouse de Zaïd, son fils adoptif. Zaï, qui en fut instruit, la répudia, et le prophète l'épousa, après avoir autorisé ce mariage par un chapitre du Coran. Quelque temps après, Aïcha, son épouse favorite, fut accusée d'avoir commis un adultère avec Sawan, qui commandait l'arrière-garde. Elle n'avait que 15 ans, elle était éloquente et jolie, elle sut se justifier, et Mahomet fit descendre du ciel le 24e chapitre du Coran, qui ne laisse aucun nuage sur la réputation d'Aïcha. Il marcha sur la Mecque, qui lui demanda la paix. Le prophète l'accorda, et tourna ses armes contre d'autres ennemis. Des guerres continuelles renaissaient tous les jours, et des miracles signalaient chaque pas du prophète. Un jour qu'il voulait donner à Ali l'étendard de l'islamisme, le brave Ali avait les yeux très malades, Mahomet les frotta de sa salive et le mal disparut. Dans les victoires qu'il remporta sur les Juifs, il épousa deux de leurs filles, la belle Riana et la séduisante Safia, que l'honneur d'être les épouses d'un prophète engagea à se faire musulmane. Quelques auteurs musulmans lui donnent 15 femmes légitimes, d'autres en comptent 26. Mais on n'en connaît que 12, qu'il savait, dit-on, rendre toutes heureuses. Cependant Zaynab voulut l'empoisonner dans un agneau rôti, il n'en avala qu'une bouchée, et s'aperçut du poison qui était très violent. Bachar, un de ses compagnons, mourut sur le champ, et les docteurs assurent que l'épaule de l'agneau parla à Mahomet pour lui révéler le crime. Il demanda à Zaynab quel motif l'avait porté à cette atrocité. « J'ai pensé, répondit-elle, que si vous étiez véritablement prophète, vous vous apercevriez aisément du poison, et que si vous ne l'étiez pas, nous serions enfin délivrés de votre tyrannie. » Malgré la vigueur de ce raisonnement, l'amoureux Mahomet ne se vengea point, il se contenta de renvoyer Zaynab à ses parents. Mais la malignité du poison abrégea sa vie, et lui fit éprouver de vives douleurs jusqu'à sa mort. Cependant sa puissance s'agrandissait de jour en jour. Lorsqu'il eut soumis les Arabes et anéanti les Juifs, il envoya des ambassadeurs au roi, et fit graver un sceau avec cette légende, Mahomet, apôtre de Dieu. Il écrivit en cette qualité à Khosroès, roi de Perse, qui s'irrita contre lui et le traita d'esclave. Khosroès mourut peu après, ce qui fut regardé comme un miracle. Il avait été assassiné par son fils Siroès, qui respecta le prophète. Mahomet écrivit à d'autres souverains, qui se convertirent à l'islamisme, ou du moins qui montrèrent du respect pour le fondateur. Sa vie n'était plus qu'un combat perpétuel. Plusieurs de ses braves compagnons périrent, Zaïd, Abdallah, Jaffar, moururent le même jour en défendant l'étendard sacré. Mahomet consolait ses disciples, « Ne pleurez plus sur Jaffar, ô musulmans, disait-il, son sort est digne d'envie, Dieu lui a donné deux ailes, et il s'en sert pour parcourir l'immense étendue des cieux ouverts à ses désirs. » Il poursuivit le cours de ses conquêtes. Se trouvant assez fort pour commander en maître à la Mecque, il fit abattre enfin toutes les statues des idoles, et fit arracher du temple les portraits de femmes que les Arabes adoraient, car il croyait que les anges étaient de belles filles, et il leur rendait les honneurs divins. C'est sans doute cette opinion très répandue en Arabie, qui fit si bien recevoir les houris. Au milieu de tous les combats qu'il nous serait trop long de décrire, il n'oubliait pas les cérémonies religieuses. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 63 ans, il ramassa 7 pierres, les jeta contre Satan, immola 63 victimes, et fit descendre du ciel ses paroles célèbres. Aujourd'hui j'ai mis le sceau à votre religion. On assure qu'à ce moment la chamelle du prophète, accablée sous le poids de la révélation, fléchit le genou et se prosterna à terre. Il donna la liberté à ses esclaves, régla beaucoup d'affaires et soutint la dignité de prophète jusqu'à sa mort, qui arriva peu de temps après. Lorsqu'il sentit que sa tête s'affaiblissait, il permit à la seule Aïcha de rester près de lui. Elle raconta que dans les 3 derniers jours de sa vie, Gabriel visitait souvent le prophète. Voici, lui dit-il enfin, l'ange de la mort qui demande la permission d'entrer, tu es le premier mortel pour qui il ait eu cette déférence, il ne l'aura pour aucun autre. Qu'il entre, répondit Mahomet. L'ange terrible parut, et remplit son ministère avec beaucoup de respect. Quand la nouvelle de la mort du prophète se fut répandue, le peuple tomba dans la consternation. « Le prophète n'est pas mort, » s'écria Omar, « il est allé vers le Seigneur, comme Moïse qui s'absenta 40 jours. Il menaça de tuer quiconque oserait soutenir le contraire, cependant il fallut apaiser la fermentation. Abou Bekr rassembla le Coran, le publia, fit rendre au reste de l'apôtre de Dieu les plus grands honneurs funèbres, et soutint la religion qu'il avait fondée. Sophia, sa tante, prononça son éloge sur sa tombe qui est à la Mecque. Abou Bekr fut élu calife, malgré l'adoption d'Ali, les autres capitaines se partagèrent l'empire, qui embrassait déjà une grande partie de l'Orient. Mahomet était d'une taille moyenne, il avait la tête grosse, la barbe épaisse, le teint élevé, les yeux noirs, le contour des joues gracieux, le cou blanc et uni comme l'ivoire. Il était doué d'une intelligence supérieure, d'un jugement exquis, d'une mémoire prodigieuse, sa conversation était agréable, son caractère toujours égal. Il parlait peu, montrait juste envers tous, écoutait avec patience celui qui lui parlait, et ne se levait jamais le premier. Si quelqu'un lui serrait la main en signe d'amitié, il ne la retirait pas avant qu'on ne l'eût prévenu. Il vivait avec une grande simplicité, il disait que Dieu avait créé 2 choses pour le bonheur des hommes, les femmes et les parfums. Il disait encore qu'après avoir tout créé, Dieu fit la femme et se reposa. Cette magnifique pensée du Coran n'a pas été négligée par les gouvernants, dans le mérite des femmes. Savary, De qui surtout nous avons extrait cette notice, regarde avec raison Mahomet comme un très grand homme, et le Coran comme un ouvrage plein de génie. Savant dans l'étude de sa langue, la plus riche, la plus harmonieuse de la terre, qui, par la composition des verbes, peut suivre la pensée dans son vol étendu, et la peindre avec justesse, qui par l'harmonie de ses sons imite le cri des animaux, le murmure de l'onde fugitive, le bruit du tonnerre, le souffle des vents. Mahomet, dit Savary, s'appliqua à donner à sa morale tout le charme de la diction, à ses préceptes la majesté qui leur convenait, aux fables accréditées de son temps une touche originale qui les rendit intéressantes. Le Coran comprend 114 chapitres divisés en versets, dont tout bon musulman doit savoir exactement le nombre. Tous les chapitres ont des titres qui, tirés simplement d'un mot remarquable, n'annoncent point les matières qu'on y traite. Tous, excepté le 9e, ont pour épigraphe ces mots qui sont la devise des musulmans, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Le Coran fut publié dans l'espace de 23 ans, parti à la Mecque, parti à Médine, et suivant que le législateur avait besoin de faire parler le ciel. Les versets furent écrits par ses secrétaires, sur des feuilles de palmier et sur du parchemin, on les déposait confusément dans un coffre. Abou Bekr, après la mort de Mahomet, les recueillit en un volume, mais sans ordre, tellement que le dernier chapitre que Mahomet fait descendre du ciel est le 9e sourate du recueil arrangé par Abou Bekr, et que les premiers versets qui ont été révélés au prophète se trouvent en tête du chapitre 96e, sourate l'adhérence. Ce bouleversement a jeté dans le Coran une confusion qui souvent en a obscurci le mérite. Cependant, on ne peut s'empêcher d'y trouver beaucoup de passages sublimes. Il est généralement écrit en prose cadencée, quelquefois aussi, quittant le langage ordinaire, Mahomet peint en vers majestueux l'Éternel assis sur le trône des mondes, donnant des lois à l'univers. Ces vers deviennent harmonieux et légers, lorsqu'il décrit les plaisirs éternels du séjour de délices, ils sont pittoresques, énergiques, quand il offre la peinture des flammes dévorantes. Confère, préface de Savary. Le Coran n'est pas le seul livre de dogme des musulmans, un des ouvrages les plus suivis par leurs théologiens. Est l'exposé de la foi musulmane, par Mohamed Ben Pir Ali El-Berkevi, que M. Garcin de Tassi a traduit récemment en français. On lit que Dieu n'a ni associé, ni égal, qu'il doit seul être adoré, qu'il n'est point né, qu'il n'engendra point, qu'il n'a ni femme, ni fils, ni fille, qu'il est invisible, éternel, immuable, qu'il sait tout, qu'il voit, dans la nuit noire, la marche de la fourmi noire, sur la pierre noire, et entend le bruit du mouvement de ses pattes, qu'il est tout puissant, que le Coran est la parole de Dieu, que ce livre est éternel et incréé, que les anges ne boivent ni ne mangent, et ne sont d'aucun sexe, que Gabriel descend, dans une heure, du ciel sur la terre, qu'Azraël est chargé de recevoir les âmes, qu'Israfil sonnera deux fois de la trompette à la fin du monde, qu'à la première, tout mourra, qu'à la seconde, 40 ans après, tout ressuscitera, que les livres écrits de la main de Dieu sont, le Coran, le Pentateuque, l'Évangile, le Psautier et beaucoup d'autres, au nombre de 104, mais que le Coran est le plus sublime et le plus divin, qu'Eblis est le chef des démons, qu'Adam est le premier des prophètes et Mahomet le dernier, que deux anges viennent interroger les morts dans le tombeau, Que ces anges sont mon kir et ne kir, qu'il faut leur répondre. Notre Dieu est Dieu, notre prophète Mahomet, notre religion l'islamisme. Que les âmes passeront le pont Sirat, plus affilé qu'une épée, que ceux qui ne pourront le passer tomberont en enfer, que les infidèles souffriront éternellement dans le feu, que tout est écrit dans le ciel, et que nul ne peut éviter sa destinée. Que cependant le diable tente les hommes, qu'il n'est pas permis de tirer l'épée contre les rois, quelque tyran qu'il soit, qu'il ne faut pas écouter aux portes, ni regarder par le trou de la serrure, ni chercher à voir ce que la pudeur tient secret, que, si quelqu'un dit, « Je crois à tous les prophètes, mais je ne sais pas si Adam est prophète ou s'il ne l'est pas, il est infidèle. » Que si un percepteur d'impôts croit que les impôts sont la propriété du sultan, il est infidèle, car ils appartiennent au peuple qui appartient à Dieu. Que, si quelqu'un dit, il vaut mieux être chrétien que juif, il est infidèle, car il faut dire, les juifs valent moins que les chrétiens. Qu'il y a 124 000 prophètes, qu'il faut jeter des pierres, en traversant la vallée de Mina, en mémoire d'Abraham, lequel, passant par ces lieux pour aller immoler son fils, y chassa, à coups de pierre, le démon qui lui suggérait de ne pas obéir à Dieu, etc. Nous pourrions parler encore des jeûnes, des prières, des houris, des génies, des démons, du paradis, de l'ancien culte des étoiles, établi dans l'Arabie avant Mahomet. Mais on trouvera tous ces détails dans la lecture du Coran même et dans les excellentes notes du savant à qui nous en devons la meilleure traduction. En rendant agréable la lecture de cet ouvrage curieux, Savary n'a fait qu'en donner la version fidèle, et on reconnaîtra sans doute que ce livre doit être mis au premier rang parmi les chefs-d'œuvre littéraires de l'esprit humain.